Quand les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, le Seigneur vit que la méchanceté des hommes était grande et que toutes les pensées de leur cœur étaient de tout temps dirigées vers le mal. Le Seigneur se repentit d'avoir créé l'homme sur la terre et il en eut le cœur affligé. J'effacerai de la surface de la terre l'homme que j'ai créé et avec l'homme le bétail, les reptiles et les oiseaux des cieux, car je me repens de les avoir faits. Noé cependant trouva grâce aux yeux du Seigneur. Voici l'histoire de Noé. Noé était un homme juste, intègre au milieu des hommes de sa génération. Il marchait avec Dieu. Noé eut 3 fils, Sem, Cam et Japhet. La terre se corrompait devant les yeux de Dieu et se remplissait de violence. Dieu regarda la terre et vit qu'elle était corrompue. Alors Dieu dit à Noé : La fin de toute créature est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Je vais les exterminer. Je vais faire venir le déluge sur la terre, une inondation, pour exterminer tout être animé du souffle de vie. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais avec toi, je veux faire alliance. Fais-toi une arche en bois résineux. Entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car tu t'es trouvé juste à mes yeux parmi ceux de ta génération. De tous les animaux purs, tu prendras 7 couples, mâles et femelles. De tous les animaux qui ne sont pas purs, tu prendras 1 couple, un mâle et sa femelle. Des oiseaux du ciel également, 7 couples, mâles et femelles, pour en conserver la race en vie sur la face de toute la terre. Et Noé fit tout ce que lui avait ordonné le Seigneur. Il avait 600 ans quand le déluge tomba sur la terre. La pluie tomba pendant 40 jours et 40 nuits. Tout ce qui sur la terre ferme était animé du souffle de vie périt. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche et lâcha le corbeau qui sortit allant et venant jusqu'à ce que les eaux eussent laissé la terre à sec. Puis il lâcha la colombe, mais la colombe n'ayant pas trouvé où se poser, revint auprès de lui dans l'arche parce qu'il y avait encore de l'eau sur toute la face de la terre. Il attendit 7 jours, puis lâcha de nouveau la colombe. Vers le soir, elle revint vers lui, tenant dans son bec une feuille fraîche d'olivier. Noé vit par là que les eaux avaient baissé sur la terre. Il attendit encore 7 jours, puis relâcha encore la colombe, mais cette fois, elle ne lui revint plus. Alors Dieu parla à Noé. Sors de l'arche avec ta femme, tes fils et les femmes de tes fils, et les animaux de toute espèce qui sont avec toi, oiseaux, quadrupèdes, reptiles divers qui rampent sur la terre. Fais-les tous sortir avec toi, afin qu'ils se répandent sur la terre, qu'ils soient féconds et qu'ils s'y multiplient. Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Toutes les bêtes sauvages, tous les reptiles, tous les oiseaux, tous les êtres qui se meuvent sur la terre sortirent de l'arche avec lui. Noé éleva un autel au Seigneur. Il prit de tous les animaux purs et de tous les oiseaux purs et offrit des holocaustes sur l'autel. Dieu bénit Noé et ses fils. Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Je vais établir une alliance avec vous et avec votre postérité, ainsi qu'avec tous les êtres vivants qui sont autour de vous. Les oiseaux, le bétail, toutes les bêtes sauvages qui sont avec vous, depuis toutes celles qui sont sorties de l'arche jusqu'à tout animal de la terre. C'est ainsi que Dieu promit à l'homme qu'il y aurait de nouveau une union avec lui.